la grande erreur de ceux qui s'opposent au Front National a été de considérer les gens du Front National comme des imbéciles ou comme des nazis extrêmement stupides et brutaux. Alors qu'on était en présence, et on est toujours en présence, de gens tout à fait intelligents, souvent cultivés, qui lisent Gramsci, par exemple, et qui se disent que la première chose pour changer le monde, c'est d'abord de gagner la bataille des idées. Tout à fait. Et vous citez le Grèce, qui au début des années 80, dit qu'il faut absolument qu'on s'accapare le langage de l'ennemi, les mots de l'adversaire. C'est une vieille stratégie. C'est une vieille stratégie. Elle démarre à ce moment-là, en vous lisant, on comprend. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est réussi. C'est-à-dire que ce qu'on peut appeler la gauche critique est très désorientée actuellement quand elle entend que son propre langage est repris par Marine Le Pen et par le Front National. Et on se tait parce qu'on se dit, mais attends, si je continue de parler comme je parle, on peut pas dire, ce gars-là est au Front National. On ne peut pas contester les principes, puisqu'on est d'accord sur les principes. On ne peut pas dire, non, je suis contre la justice sociale si Marine Le Pen parle de justice sociale. Donc on est, la gauche critique, comme vous dites, est cornérisée au sens où elle ne cornérisée. Sait... Elle est retranchée dans un coin. Parce qu'elle ne peut pas, ouais, exactement. Elle ne peut pas répondre sur les principes. Ce qu'elle a fait historiquement en accusant le Front National d'être fasciste ou nazi, etc., ce qui était un argument très très faible intellectuellement. Et donc il faut réussir à reprendre la bataille des mots dans le camp adverse. Et c'est très difficile, ça suppose un vrai travail. Et ce qu'on peut reconnaître à Marine Le Pen, c'est de travailler et d'être non seulement réfléchie, consciente de ce qu'elle fait, mais de bosser pour voir quel mot a quelle valeur dans la société actuelle et lequel portera et fera mouche. Micro ouvert. Quelques petites explications, et en même temps j'ai envie d'être la plus brève possible, mais j'ai surtout aussi envie que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc c'est un micro ouvert sur ce nom au local nazi, au numéro 22 Square de Meus à XL. C'est un micro ouvert avec un groupe de gens qui se sont rassemblés pour essayer de comprendre ce qui se jouait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, c'est beau quoi, hein, c'est des gens, voilà, ils ont envie de se mobiliser pour changer la donne, voilà. Ils sont vraiment ouvertement dans l'idée que non, il faut pas qu'il y ait un local nazi au numéro 22 Square de Meus à XL. Et moi, évidemment, je suis d'accord, je dis non aussi à ce local nazi au 22 Square de Meus à XL. Et donc on va rencontrer des gens, mais voilà, l'anonymat est là, on s'appelle par toutes sortes de prénoms, sauf les vrais prénoms des gens. L'anonymat est là. Par contre, on sait que ça se passe à Louvain-la-Neuve, voilà. Et donc on va entendre ce groupe de gens. Mais avant, un petit coup de téléphone à Hervé Van Lathem. Donc Hervé Van Lathem est président de ce local nazi. Alors oui, je l'appelle comme ça, voilà, parce que c'est de la provoque. Puis je sais pas si c'est vrai, moi personnellement. Donc j'avais envie de lui poser la question, Monsieur Hervé, est-ce que oui, c'est un local nazi, voilà. J'avais envie d'entendre. C'était qui ce monsieur? Qu'est-ce qu'il racontait? Pourquoi? Comment? C'est parti. Mais oui, mais voilà, moi j'avais, vous l'avez compris, j'espère, je fais une émission de radio sur un reportage de gens qui n'étaient pas du tout d'accord pour... vous voyez de quoi je parle, hein, il y a une affiche qui circule sur le sujet, et moi j'aurais aimé... Il y a déjà une émission de Radio Campus à ce sujet d'ailleurs. Il y a déjà une émission de Radio Campus qui a été faite? Ah oui. Oui, oui, un agenda culturel, je crois. Je sais plus, mais peu importe, oui, je vous écoute. Et moi, j'aurais aimé vous entendre et j'aurais aimé avoir le temps aussi de vous rencontrer, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais comme je le diffuse vendredi, voilà, et que je n'habite pas Bruxelles, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'aurais aimé juste vous entendre ce que vous auriez à dire, parce que quand on dit local nazi, local facho, fasciste, c'est quand même énorme. Voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus, quoi? Parce que, voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Il y a trois choses. D'abord, le fait que je peux comprendre qu'on n'apprécie pas mes idées, qu'on ne soit pas d'accord avec mes idées. Enfin, quand j'ai mes idées, moi et les autres personnes. Et les autres personnes. Ça, je peux comprendre. Je peux encore comprendre même que des gens manifestent, etc., etc., parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, etc. Si évidemment, ça, c'est juste là, c'est acceptable dans ce qu'on appelle une démocratie. Et où c'est beaucoup moins acceptable, évidemment, c'est lorsque il y a du vandalisme, lorsqu'il y a des actes de violence, lorsqu'il y a des appels ouverts à la violence, etc. Ça, évidemment, pour les gens qui prétendent défendre la démocratie, je trouve ça un peu curieux. Alors, je pense que les seules personnes dans cette affaire-là qui ont une attitude fasciste ou nazie, fasciste en tous les cas, ce sont les gens qui ont sont du fait de vandalisme, qui sont venus attaquer à deux reprises le local, etc. Ça, ce sont les gens qui font aujourd'hui preuve d'un réel fascisme, peut-être pas au sens idéologique, mais au sens du comportement. Ça, c'est une chose. La deuxième, je pense que l'expression fasciste et nazi, c'est l'argument qu'on sort quand on n'a rien d'autre à dire. On va pas. Mais j'ai un souci avec mes piles. J'ai mes piles qui sont plates. Est-ce que vous... Attendez, hein, parce que c'est pas encore complètement plat. J'attendais qu'elles soient complètement plates, mais elles vont être plates. Mais... Je peux vous rappeler ce qui... Oui, mais elles sont là à portée de main, mes piles en même temps. Mais je voulais dire quelque chose. Enfin, voilà. Soyons simples, cher monsieur. Hein, c'est... Soyons simples. Si on dit que c'est local nazi, si on dit que c'est local facho, ce n'est pas pour rien. Après, on peut commencer à défendre tout un blabla. Vous voyez, on est aussi dans une ère de la communication où la meilleure façon est de ne pas nommer les choses. On tourne autour. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui font que... Voilà. Allô ? Oui, allô, voilà. Ça va mieux ? Ça va mieux, j'ai remis des nouvelles piles. Désolé, ça fait pas sérieux, mais tant pis. la première question, c'est bon ou il faut recommencer ? Non, on va reprendre depuis le début, même autrement, si vous voulez. Enfin, peut-être vous présenter, parce que vous êtes Hervé Van Lathem, c'est comme ça qu'on dit ? On ne prononce pas c'est Van Lathem. Van Lathem. Et vous êtes secrétaire national du mouvement Nation ou rien à voir ? Maintenant, je suis président du mouvement Nation, j'ai été élu l'année passée. Et c'est vous qui l'avez créé alors ce mouvement Nation ? Mais la nation, il y a une vraie démocratie interne, et donc il y a des congrès tous les 2 ans. Et à un certain moment, j'ai toujours des fonctions de cadre, mais j'étais pas en direction. Et puis voilà, je suis retourné. Ben oui, mais on peut, enfin, quand vous parlez, oui, j'imagine bien qu'il y a la démocratie à l'intérieur de votre groupe, hein, j'espère pour vous quand même. Mais après, ce que vous défendez, voilà, moi c'était juste, j'avais juste envie d'entendre vraiment ça, c'est-à-dire, on entend qu'il y a un local nazi qui est ouvert rue d'Emmaüs à Ixelles. C'est même énorme, c'est local nazi. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. D'abord, qui dit qu'on est un local nazi ? Ce sont des militants d'extrême gauche qui, pour eux, tout ce qui est à droite du CDH sont des fascistes, et alors tout ce qui est à droite du MR sont des nazis. Ça, c'est une chose. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des... on utilise des termes comme des réflexes pavloviens. C'est-à-dire, vous êtes nazi, je ne discute pas avec vous. Même si vous arrivez avec au moins des bonnes questions, je ne parle même pas de réponses, mais même si vous arrivez avec des bonnes questions... Nazi et fasciste, c'est utilisé pour les gens qui disent qu'ils ne veulent pas se fatiguer à débattre. Non, vous êtes nazi et fasciste. Je veux juste vous couper, mais vous avez vu dans l'histoire ce que le nazisme a provoqué. Enfin, c'est énorme. Je comprends qu'il y ait difficilement la possibilité de discuter quand on parle de nazisme, voyez. Alors, j'ai une question, madame. Est-ce que vous trouvez que le communisme a laissé tellement de bons souvenirs, parce que là, quand je regarde votre profil, par exemple sur Facebook, vous semblez quand même être fort attaché à des valeurs marxistes. Oui, mais moi j'ai... Non, pas du tout, mais quand on parle de communisme, enfin là, moi j'y connais pas grand-chose, si ce n'est que les gens, quand ils parlent... Moi je ne suis pas communiste, je suis plutôt, moi, vous voyez, rien du tout, je ne m'affiche pas avec une étiquette, mais c'est sûr que je défends... j'ai des valeurs, tout comme vous défendez les vôtres, mais je suis pas du tout pour la violence, je suis... j'essaye de trouver un équilibre pour aider celui qui en a dans... qui en a besoin. S'il faut regarder, j'ai plutôt les valeurs de gauche, mais je ne me dis pas de gauche, vous voyez. Voilà. Mais les gens qui sont les plus virulents, y compris physiquement contre le local ici, sont les gens qui se réfèrent ouvertement au marxisme. Sont les gens qui se réunissent dans un local qui a été ouvert par le Secours Rouge, le Secours Rouge étant le fan club des anciens cellules communistes combattantes, dont vous savez sans doute qu'ils ont usé légèrement de violence. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Mais votre groupe, enfin, les groupes fachos, les groupes nazis, enfin, aussi, monsieur, enfin, c'est pareil, hein, c'est kiff-kiff. D'abord, je vous répète, qui dit, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que, enfin, c'est vous démontrer, c'est que les gens qui nous insultent avec ce terme qui vise à si un réflexe pavlovien en disant « Ah voilà, on ne peut pas discuter avec ces gens-là, c'est les pires », sont les gens qui eux-mêmes défendent une idéologie dont on pourrait dire la même chose, qu'elle a envoyé plein de gens dans des camps de concentration, etc. Non, mais ça, là, on s'égare. Je pense pas que... Là, ce n'est plus... Là, c'est devenu une dictature... Enfin, c'est devenu un peu la folie, ce communisme dont vous parlez là. Vous voyez, il y a... C'est parti en cacahuète. Eh bien, je veux bien en prendre note. Mais alors, pourquoi est-ce que nous, on nous colle toujours là, madame, j'ai 52 ans. Qu'est-ce que j'ai à voir avec la Deuxième Guerre mondiale, mon Dieu ? Juin 2015. Autre affaire avec une preuve accablante. Un témoin a filmé toute la scène. Ce lundi, un sans-abri a été violemment agressé à coups de pavé à Bruxelles par 6 membres d'un groupe d'extrême droite, le groupe Nation. Ils ont tous été mis à la disposition de la justice. Benoît Dutot, Arnaud Ruben. L'agression est violente, les images le confirment. On y voit plusieurs membres du mouvement Nation agresser un sans-domicile fixe lundi après-midi, place du Luxembourg. Des militaires étaient de faction devant le Parlement européen. Ils ont suivi les auteurs et permis leur arrestation par la police dans la gare. La victime souffre d'une incapacité de travail de plusieurs jours. Tout de suite après les faits, 6 personnes ont été arrêtées. 5 d'entre eux ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles le lendemain, donc hier. Hier, dans le courant de la journée, ils ont été entendus par le magistrat et tous les 5 ont été relaxés, mais avec une citation, ils vont être cités devant le tribunal correctionnel, probablement encore avant les grands congés. L'agression a eu lieu en marge d'un rassemblement hebdomadaire de sans-papiers. Le mouvement Nation est un mouvement d'extrême droite déjà auteur par le passé de plusieurs faits de violence. Le mouvement Nation a été créé en 1999 par des dissidents du Front National et d'une autre dissidence du Front National, par les éléments les plus radicaux de l'extrême droite belge francophone. C'est donc un mouvement clairement d'extrême droite et en particulier de tendance nationale solidariste, qui est une vieille idéologie des années 30 et qui est en quelque sorte une version fasciste du fascisme italien, mais une version belge du fascisme italien. Dans un communiqué, le mouvement Nation affirme que le SDF, en état d'ébriété, a été provoquant en s'approchant d'eux avec des pavés en main, ce que plusieurs témoins auraient confirmé. Mais cela ne justifie bien entendu pas une telle violence. 5 membres de Nation comparaîtront fin juin devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires. Ils encourent 2 mois à 2 ans de prison. Est-ce qu'on peut m'attribuer des crimes de guerre ? Non. Est-ce que j'ai été membre du Parti National Socialiste ? Non. Et voilà, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que dans le programme de Nation, il y a des thèses qui se réfèrent au Troisième Reich ou au National Socialisme ? Non. Est-ce que... Non, mais paraît-il, vous avez des liens avec d'autres pays pour... avec Aube Dorée, vous voyez, des choses comme ça, bon... Je vais vous donner un exemple. Mais c'est ça le problème. Je ne disconviens pas que nous sommes... Bon, ça se naïve. Je ne disconviens pas que nous avons des positions dans cette société où tout le monde est mou, des positions relativement radicales. Je vous réponds par rapport au nazisme. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé aujourd'hui. C'est le NPD. C'est une des choses qu'on nous reproche, c'est d'avoir des contacts avec le NPD, etc. Qu'est-ce la NPD ? Le NPD, c'est le Parti National Démocrate Allemand, qui est considéré par les mêmes personnes qui nous traitent de nazis comme le parti nazi. Le problème, madame, c'est que en Allemagne, il y a une législation très très restrictive, très répressive par rapport à toutes les personnes qui se réfèrent à cette idéologie-là. Et que le NPD existe depuis plus de 40 ans, et mieux, et légalement se présente aux élections, la preuve, ils ont un député européen, et mieux encore, ils viennent pour la deuxième fois, et c'est aujourd'hui qu'a été prise la décision, donc l'État allemand a essayé de les faire interdire parce que justement ils seraient d'odieux nazis, et pour la deuxième fois la Cour constitutionnelle allemande, qu'on peut franchement pas soupçonner de sympathie pour les idées nationalistes, a dit qu'il n'y avait pas lieu à les interdire. Donc ce que j'essaie de vous dire, madame, c'est qu'effectivement... Mais ça n'a pas, enfin, excusez-moi, monsieur, mais ça n'a pas de valeur ce que vous me dites. Je veux dire, tous les pays d'Europe sont occupés à monter en fascisme, en nationalisme. Il y a un repli identitaire de plus en plus fort. Enfin, ça n'a pas. Mais qu'il y ait des valeurs identitaires qui remontent et qu'il y ait une montée des populismes, enfin, moi, c'est plutôt un terme que j'estime pas négatif, mais enfin, mais c'est un fait, et qu'il y a même la remontée des nationalismes, mais ça, j'en suis bien d'accord, madame. Mais vous devez être content, Vous devez être content, alors, peut-être, aussi, dans votre, dans votre mouvement politique. Bien sûr, que les peuples d'Europe se réveillent et se mettent à combattre leurs élites, qui sont des élites qui sont mises par les forces de l'argent. Bien sûr, chaque fois que les technocrates de Bruxelles, ici, de l'Union européenne, sont mis en difficulté, que ce soit en Angleterre avec le Brexit ou autre chose, bien sûr, ça me satisfait, madame. Oui, mais c'est pas les gens, hein, c'est surtout une politique qui est occupée à se mettre en place, qui devient de plus en plus, comment dire ça. Après, les gens sont mécontents, les gens, en fait, se tournent des institutions et de la politique, c'est plutôt ça. Hein. Bien sûr, mais c'est que les gens en ont assez d'être dirigés par une élite auto-proclamée. Hein. Oui, mais l'élite est toujours là. Moi, je vous dis que l'élite est toujours là et qu'elle se dirige aussi de plus en plus vers... elle a aussi peur, elle est aussi de plus en plus nationaliste, elle défend ses privilèges. Croyez-moi que les élites ici, elles sont toutes sauf nationalistes. Hein, madame, s'il y a bien des gens qui sont aujourd'hui axés sur ce que moi j'appellerais le cosmopolitisme. Et vous savez pourquoi, madame? Pas parce qu'ils ont le cœur sur la main, hein, c'est parce que pour eux, l'immigration... C'est une autre manière de faire du dumping social. Et tous les gens de gauche qui aujourd'hui disent « Oh oui, il faut accueillir toute la misère du monde », il ferait bien réfléchir à ça. C'est que l'immigration, avant tout, c'est un formidable facteur de dumping social. Et que très bientôt, les capitalistes, que je n'aime pas plus que les gens de gauche d'ailleurs, vont utiliser cela pour encore faire baisser ici de faire diminuer les acquis sociaux, etc. etc. Et effectivement, on nous présente via la télé une opération cœur sur la main, nous sommes tous frères, formidables, etc. Mais derrière tout ça, il y a une vaste opération économique, financière, parce que tout est dirigé par ces gens-là. Ça, c'est le problème. Et le problème, moi, je proposerais que les gens d'extrême gauche qui dépensent une énergie folle à lutter contre, s'ils sont toutes un petit parti, l'APF, c'est 4 députés européens, sur 750, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà, je fais une petite recherche sur l'Internet, sur le Parlement européen. C'est pas du tout difficile à faire. Hein. J'y suis, Europe des Nations et des Libertés. Et je vois que le groupe ENL, hein, Europe des Nations et des Libertés, est co-présidé par Marine Le Pen. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Et Marcel de Graaf, Pays-Bas. La création du groupe parlementaire s'est néanmoins faite en grande partie sous l'impulsion de Madame Le Pen, née en 1968 et siégeant à Strasbourg depuis 2004. Monsieur de Graaf, lui, a pris ses fonctions de député européen le 1er juillet 2014. Pas longtemps, ça. Alors, après un an, c'est noté comme ça, hein, après un an de difficultés à rassembler des députés d'au moins 7 pays nécessaires à la formation d'un groupe parlementaire issu de l'extrême droite européenne, Europe des Nations et des Libertés a été fondée le 15 juin 2015. Le groupe compte s'opposer à la technocratie européenne et à l'immigration tout en s'élevant contre le marché et la monnaie unique. C'est la plus petite formation du Parlement européen. Il compte 38 eurodéputés de 8 nationalités différentes, essentiellement français, italien et autrichien. Le groupe Europe des Nations et des Libertés représente 5% des députés européens. Avec 21 eurodéputés issus du Front National Rassemblement Bleu Marine, la délégation française est la plus importante. On dénombre par ailleurs 5 Italiens de la Ligue du Nord, 4 Autrichiens du FPO, Parti de la Liberté d'Autriche, hein, de nouveau des jolis mots comme ça, FPO, Parti nationaliste autrichien fondé en 1955, hein, c'est un vieux parti ça, et 3 néerlandais du PVV, alors Partij voor de Vrijheid, abrégé en PVV, je ne sais pas si j'ai bien dit, mais c'est pour vous montrer que je parle néerlandais. Parti pour la liberté, de nouveau, ça s'appelle comme ça, des jolis mots avec liberté dedans. Il y a aussi Europe des nations et des libertés contre deux députés de Pologne, KNP. Alors KNP, ben, ça s'appelle comme ça le congrès de la nouvelle droite. Hein, en polonais, c'est Congrès Nowej Prawicy, abrégé en KNP. Donc le congrès de la nouvelle droite, classé à droite de l'échiquier politique encore. Un Belgique, ben, c'est parti d'extrême droite et nationaliste flamand, hein, c'est le Vlaams Belang. Et un issu du parti conservateur roumain, mais il n'y a pas de nom. Et enfin, une britannique transfuge du parti europhobe UKIP. Donc UKIP est un parti politique britannique anti-immigration et eurosceptique, nanani nana, enfin voilà. Et puis le parti d'inspiration nationaliste est régulièrement accusé de dérives racistes et islamophobes, tout simplement. Oh mais voilà, monsieur Hervé, moi qui voulais comprendre comment ça se passe, vous m'expliquez pas tout non plus, quoi. Voilà, il n'y a pas simplement quatre petits députés, c'est plus compliqué que ça, c'est plus vaste, c'est plus fort aussi, c'est plus fort, hein. Ah, mais je pense qu'il y a toute une histoire derrière que vous ne dites pas. Moi, je pense ça, en fait, parce que le nazisme, il ne s'est pas arrêté comme ça du jour au lendemain. Il y a des restes, hein. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui ont encore des pensées comme ça, très... Enfin, moi, je pense... Moi, c'est personnel, hein, mais c'est très fermé, c'est très violent, c'est très... Mais je vous répète, nous, non seulement, ne nous référons pas au nazisme, mais rien, ni dans notre programme, ni dans... Parce qu'on est ici le camp nazi. Eh bien, les gens qui vivent le camp nazi démontrent, pas d'un pas affirmé, mais démontrent qu'il se passe ici des réunions de type nazi, avec des soldats nazis, avec des cris ou des saluts, ou avec des gens uniformes, ou Dieu sait quoi. Non. Tout ça, c'est du fantasme, alors. Pardon ? Tout ça, c'est du fantasme. Non, mais c'est une étiquette... Écoutez, madame. C'est une étiquette que ces gens-là collent à tout ce qui est d'extrême droite, de près ou de loin. Vous savez, il y a 10 ans, ils disaient la même chose sur Vlaams Belang. Aujourd'hui, ils laissent le Vlaams Belang tranquille parce que, voilà, il s'est rentré dans le... Et Vlaams Belang n'a tué personne. Ils n'ont pas ouvert de camp de concentration. Ça a été la fin. Ouais, Ils n'ont plus de pouvoir. Ils sont plus là, quoi, ces gens. Le Belang, comme ça. Alors, je vais prendre ça comme une marque d'intérêt. Monsieur Hervé Van Lathem, ne me dit pas que le Vlaams Belang est représenté au Parlement européen, quoi. Pourquoi il ne me le dit pas, là? Il y a un député Vlaams Belang au Parlement européen. Qui est le Vlaams Belang? Zut, quoi, pourquoi il ne me le dit pas, lui? Je passe vraiment pour une demeurée, quoi. Ben oui, ben voilà, monsieur Hervé, vous commencez vraiment à me... Je doute de votre parole, là. Je commence tout doucement à comprendre que vous essayez de noyer le poisson. Les gens de gauche, qui eux, estiment que nous sommes le nouveau danger, mais les choses sont claires. Moi, j'assume le fait que nous sommes nationalistes, enfin, ou identitaires, nous donnons une terme identitaire, mais enfin, c'est un détail, que nous sommes effectivement, sur certains points, très radicaux, que nous sommes pour un changement de la société profond, hein, mais c'est... Le nazisme, c'est fini depuis très longtemps en tout cas nous. Qu'est-ce que vous avez dit là? J'ai pas compris le mot. Pardon? J'ai pas compris le mot que vous venez de dire. Qu'est-ce qui est fini depuis longtemps? C'est fini, madame. Le fascisme? Non, le nazisme. Le nazisme, on vous parle du local nazi. Le nazisme, c'est fini depuis longtemps, madame. Hein, il y a quelqu'un qui disait, il n'y a plus que les... Enfin, je veux dire, il y a la musique qui s'accroche encore à ça, mais c'est l'idéologie en tant que telle, elle est finie depuis longtemps. Alors, voilà, après, c'est un argument qu'on utilise systématiquement, que l'extrême gauche et la gauche, systématiquement contre ses adversaires. Mais un dernier, après j'ai encore une autre question, mais quand vous appelez APF, oui. Alliance pour la paix et la liberté, c'est joli comme... Oui, on trouve aussi, c'est pour ça qu'on l'a fait, oui. Mais alors, j'ai aussi une autre question. Dites-moi. C'est intéressant. Je vais quand même en deux mots. Pourquoi on a appelé ça l'Alliance pour la liberté? Parce que aujourd'hui en Europe, des forces de l'argent, des forces forces de l'impérialisme américain, maintenant ça va peut-être changer avec Trump, mais j'ai quand même un sérieux doute, les forces de l'impérialisme américain essayent de monter l'Europe contre la Russie. Et ils veulent que ça se termine très mal. Ça, c'est de un. Et de deux, il y a toute une série de guerres qui ont été provoquées et qui nous amènent que des problèmes. Je pense particulièrement à la guerre en Syrie. Et la deuxième, nous sommes pour la liberté, parce que nous pensons effectivement que la liberté d'expression, c'est important. C'est important pour nous, mais c'est aussi important pour les autres. Et les gens qui, partout en Europe, certaines forces de gauche, qui appellent à liberté, à limiter la liberté d'expression contre les fascistes et contre les nazis, ferait bien de réfléchir à deux fois. Parce qu'une fois que le régime en aura fini avec nous, eh bien, ce sera leur tour. Et le régime utilisera exactement les mêmes lois. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est appelé Alliance pour la paix et la liberté. Donc, voilà. D'accord, mais aussi dans votre pouvoir organisateur, là, je connais pas assez bien, moi, la matière, mais paraît-il, il y a des gens, je connais pas les noms, mais il y a des gens qui gèrent votre mouvement, oui, votre parti, et qui ont des liens vraiment étroits avec le fascisme, voilà, c'était ça aussi, c'est pas... De toute façon, est-ce que vous oseriez dire très pleinement que vous êtes raciste et fasciste. Est-ce que vous le diriez comme ça, hein? On le dit plus comme ça aujourd'hui, c'est pas politiquement correct, quoi. C'est une bonne question, madame. Je peux répondre d'abord sur le terme racisme. Si vous renseignez un tout petit peu, et je n'invente rien, c'est connu, hein, tout le monde sait que moi, je suis j'ai beaucoup de liens au Moyen-Orient, que j'ai beaucoup de liens avec le monde, etc. Je ne confonds pas l'immigration et les peuples. J'ai été beaucoup en Irak en 2003. J'ai été régulièrement en Syrie ou au Liban. Donc, c'est quelqu'un qu'on peut difficilement traiter de raciste dans l'esprit, comme vous l'entendez, c'est bien moi. Ça, c'est de un. De deux. Mais ça, il n'y a que vous qui le savez. Hein. Moi, je voudrais qu'on se connaisse un peu plus pour que je puisse vous le dire. Mais, enfin bon, vous avez compris ma question, quoi. Tapez mon nom sur Internet, madame. Vous mettez Van Lappen Irak, vous bouclez les mains, et tapez mon nom avec certainement être Van Lappen et Syrie, et vous allez sur le site de l'APF, et il y a de nombreuses photos où on me voit là-bas. Donc, j'ai vu aussi que vous avez fait de la prison, monsieur, pour justement la cause de racisme. si vous me prenez comme ça. Oui, mais de nouveau. D'abord, ça s'est passé il y a 27 ans, madame. Hein, il y a ah, mais vous ne devez pas vous justifier, hein. Attendez, ça c'est de un. Et de deux, moi je maintiens que normalement, si on était dans un état de droit, et si ce n'était pas eu un procès politique, eh bien, on n'aurait pas pu me poursuivre pour un racisme. Mais de deux, vous parlez. Donc, il y en a eu deux, maman, il y en a eu à 27 ans, il y en a eu plus récent. C'est il y a 27 ans, c'était dans un autre contexte, c'était dans un groupe d'action. Il n'y a rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui, ça c'est une chose. Il n'y a rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui, ça c'est une chose. Et la deuxième, c'était qui, dans un état de droit, si on n'avait pas été un parti nationaliste, eh bien, on n'aurait pas été poursuivi. Donc voilà, je sais qu'il faut respecter les décisions de justice, mais il n'empêche que j'estime que c'est une décision politique. Et moi, j'affirme que je ne suis pas raciste. Et ce n'est pas seulement un argument. Moi, je pense que j'ai prouvé, je le répète, par mes engagements physiques. Hein. Moi, j'étais à Bagdad comme bouclier humain. Hein. Alors, tous les anti-impérialistes à deux balles qui sont ici, qui sont anti-impérialistes dans les bars Bobo d'Ixelles, c'est autre chose que d'aller là-bas avec les bombardements éventuellement américains. Donc, vous voyez, j'ai vraiment pas de leçons à prendre. Alors que la justice du système m'est condamné, c'est une chose. Mais moi, je peux vous dire ce que je pense profondément et je l'ai prouvé par mes engagements. Alors, ça, c'est une chose. Par rapport à l'Italie, par rapport à certains membres de l'APF, mais chaque pays vraiment a une tradition et a un historique. En Italie, la tradition fasciste est ressentie très différemment pour 36 raisons. Je vais pas, là, c'est un peu long à expliquer au téléphone, mais voilà. Alors, effectivement, il y a des mouvements, il y a Forza Nuova dans ce cas-là, qui a gardé une sorte de. D'intérêt historique pour la chose. On peut apprécier ou pas. Alors, en tous les cas, ce que moi j'ai connu, ce que je travaille avec, c'est quand même très loin d'être des chemises noires qui passent leur temps à tendre le bras et à crier vive Mussolini. C'est très très loin ça. Vous bah, si ce n'était que ça, tendre le bras et chanter. Mais c'est quoi d'autre? Mais c'est quoi d'autre? Mais c'est toutes des idées que vous aimeriez mettre en action, que des fois vous mettez en action. Voilà. Mais pour ça, il faudrait se rencontrer plus longuement. Enfin voilà, et là, moi j'avais juste envie d'entendre ce que vous aviez à dire sur le local fasciste, nazi, et voilà. Après, évidemment, c'est toutes des idées à développer que j'aimerais prendre le temps à un moment donné pour... Ça se fait pas comme ça au téléphone, quoi, mais... C'est un peu compliqué. Hein. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté ma proposition de parler au téléphone, et voilà. Peut-être on se reverra une prochaine fois pour un plus long reportage. En tous les cas, contrairement à ce qu'on peut croire, je l'affirme, si quelqu'un veut en direct débattre de ça avec moi, j'ai aucun problème. Aucun. Ils peuvent venir à tout le dossier, tout ce qu'ils veulent. Moi, j'ai aucun problème. Parce que très souvent, on prétend aussi que nous sommes de parfaits abrutis. Si nous sommes de parfaits abrutis, n'importe qui aura très facile à m'écraser dans un débat public. Et donc, moi, je veux que ça. Il n'y a pas de souci. Vous demandez que ça d'être écrasé? Non, vous comprenez. Qui le démontre, mais je ne demande que ça, c'est un débat. Quoi? Et là, on verra. Vous voulez dire que vous seriez partant pour faire un débat avec quelqu'un qui s'y connaisse évidemment bien mieux que moi, et vous pourriez, du coup, vous bien seriez sûr. Prêt à ça? Bien sûr. Très bien, ben on verra dans le futur alors. Petite question technique, et ça c'est plus dans l'interview, donc enfin vous coupez pas, mais c'est pas grave. Ça passe à quelle heure votre reportage? Ça passera vendredi de 16h à 17h sur Radio Campus ça Bruxelles. Comment l'émission? Et via les réseaux sociaux aussi, et via l'internet. Okay, l'émission s'appelle comment? Ça s'appelle Micro ouvert, en deux mots, voilà. Voilà, donc s'il faut, vous savez tout, bonjour Abraham, ça va? Ça va, merci monsieur. Merci, au revoir. Au revoir, oui. J'essaye de présenter la structure globale, du coup je vais présenter quelques caractéristiques du fascisme et après Gilles va présenter plus l'APF et il en parlera mieux que moi, l'Alliance pour la paix et la démocratie là, qui est un local nazi qui est ouvert à Bruxelles et tout, enfin voilà, il en parlera mieux que moi et n'hésitez pas à poser des questions sur les définitions pour qu'on se comprenne sur ce qu'on raconte. Et du coup, ça, c'est un premier moment. Et puis après, il y aura un moment plus de discussion ouverte. Enfin, voilà, on voulait le proposer comme ça. Du coup, la création d'une communauté fictive où les gens peuvent se retrouver. Cette communauté fictive, ça peut être la région, la religion, la langue. Et pour que cette identité fictive, elle existe, il faut un bouc émissaire. Et du coup, ça peut être la figure de l'étranger, le juif... qui est considéré comme voleur, enfin voilà, qui est l'ennemi dans lequel on ne veut pas se retrouver. Et aussi la construction d'une identité nationale, et tout ce qui va contre ce nationalisme-là est mauvais. Il y a souvent une victimisation de la nation, par exemple, ou de la nation ou de cette communauté. Par exemple, on peut dire les Flamands qui disent « Oui, on a été victime du harcèlement des francophones ». Et en fait, voilà, du coup, c'est zappé que c'est une question aussi de... Enfin, dire que la bourgeoisie était que francophone et oublier qu'il y avait les deux, quoi. Il y a un parti de masse, tout le monde est rassemblé par une identité, les slogans sont superflus et rassembleurs. Il peut y avoir un leader charismatique qui se confond avec l'État, qui est le surhomme, le héros, qui reste quand même plus ou moins accessible, que ça pourrait être moi, mais... Mais quoi? Non, mais bon, non, ça pourrait pas être. Pas... Et il y a un truc un peu d'anticapitalisme de façade, comme ça, quand même, une critique du capitalisme financier, de ce qui est non productif. Et ça permet de rassembler les personnes qui sont mécontentes du système, quoi. Comme par exemple Trump, maintenant, il va pas signer le TTIP, parce que voilà, c'est plutôt. Une conception nationaliste, et puis ça pourra rassembler toutes les personnes qui se retrouvent pas dans le TTIP. Mais j'ai juste dit quelques tendances qui se réduisent pas à des partis ou à des régimes fascistes, et voilà, j'avais envie de... Après, c'est une dialectique, c'est un mouvement, et ça... C'est un mouvement qui s'adapte à des, aux circonstances qui... Enfin bref, voilà. Enfin, c'est super compliqué à définir concrètement. Donc moi, je pense que c'est bien d'avoir des lignes de fond. Moi, c'est, et c'est vrai que ce qui me paraît vital aujourd'hui, c'est de comprendre les mécanismes nouveaux qui se mettent à l'œuvre à travers des systèmes démocrates et des subventions. Et par exemple, le local APF, dont Ubut va nous parler, eh bien... Mathieu, oui. Ben, je pense que c'est vraiment important d'entendre bien les mécanismes qui ont créé ce local, quoi. Ben, je pense que tu as cité pas mal d'éléments intéressants. Maintenant, pour ce qui est définir vraiment le fascisme dans sa spécificité, je pense qu'il y a vraiment une question qu'on oublie, c'est la domination sociale et économique, c'est la domination de classe. Et le simple fait, en fait, que le fascisme arrive et monte dans des périodes de crise via une idéologie nationaliste qui est censée être rassembleuse, en créant aussi un ennemi intérieur qui peut être le juif ou à l'heure actuelle, ça peut être le musulman. Mais c'est aussi une question sur comment est-ce que les groupes, enfin, je vais les citer, la bourgeoisie, parvient à se maintenir au pouvoir en utilisant des groupuscules qui défendent un État fort, très puissant. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment aussi important d'accès à l'analyse du fascisme dans sa dimension de classe, en fait. Mais je pense que bon, Mathieu ou d'autres personnes vont pouvoir y aller plus en avant dans l'analyse, donc... Voilà, du coup, moi c'est Mathéo, enfin pour ce soir en tout cas. Du coup, moi je vais un petit peu parler plus longuement, donc s'il ne faut pas hésiter déjà si je ne parle pas assez fort, si je parle trop vite ou si vous ne bitez rien à ce que je dis, il faut le lire. Et du coup je m'arrête et je peux prendre plus le temps d'être plus pédagogique, il n'y a aucun souci. Moi je voulais structurer un petit peu mon exposé en trois petites parties. Une première partie, c'est un petit peu expliquer c'est quoi l'APF, c'est qui la compose, etc. C'est quoi ce local, c'est quoi cette subvention européenne, etc. Pour un petit peu aller dans le concret, etc. Quand même un petit peu dessiner qui on a en face de nous. Puis après, de ça, je vais partir à une analyse un petit peu... moi, ma position, il y a 1200 auteurs qui ont écrit sur le fascisme. Il y en a 1200 qui ont des théories différentes. Je vais vous donner un petit peu le mishmash que moi j'en retiens au final. Et puis après, je vais un petit peu aller dans le concret, donner des exemples dans le passé récent, pas forcément toujours me référer au national-socialisme, le fascisme, qui sont quand même des événements, comme tu l'as dit, très contextuels. Et je pense que le fascisme, aujourd'hui, il ne va pas forcément prendre exactement les mêmes apparats qu'il les a pris dans les années 30, parce que tout simplement, ce n'est pas exactement la même société, ce n'est pas le même capitalisme qu'on a aujourd'hui, qu'on a il y a 60 ans, ce n'est pas les mêmes dynamiques politiques, etc. Donc là, je vais citer, par exemple, des mouvements soit très modernes, soit dans les années 60-70 en Belgique, etc. Voilà. Donc l'APF, c'est Alliance for Peace and Freedom, donc l'Alliance pour la paix et la liberté. C'est une alliance, il s'appelle le Parti européen, qui regroupe une dizaine de sections nationales, en gros de partis nationaux. Alors les locomotives, entre guillemets, les plus gros, qui sont les plus connus, c'est l'Aube Dorée, qui est le parti néo-nazi grec, qui fait 7 à 8% des voix en Grèce, qui a une quinzaine de députés, je pense, au Parlement, qui a plusieurs milliers de membres, qui a des sections un petit peu partout. Là, ils ont eu des gros problèmes judiciaires après avoir assassiné en 2013 un rappeur antifasciste qui s'appelait Pavlos Fissas. Donc, ils l'ont poignardé à plusieurs coups de couteau après une rencontre d'un match. Ils ont rencontré des mecs qui l'ont poignardé. Mais ça, c'est le plus connu, c'est ça qui a donné lieu à la répression, mais en réalité, on soupçonne plus d'une dizaine de meurtres, mais souvent des immigrés, en fait, et des sans-papiers. Donc, pour ça, l'État grec les a jamais poursuivis. Et aujourd'hui, maintenant, il y a 2 ou 3 meurtres qui sont reconnus et pour lesquels ils sont poursuivis. Mais en fait, en réalité, c'est une dizaine de meurtres pour lesquels on les soupçonne. Donc, ça, c'est... Et... Juste pour capter, qu'est-ce qui fait que c'est des personnes qui sont dans Aube Dorée ? Comment on peut... Qui ont assassiné ? Ouais. Très clairement. Donc, le Pavlos Fissas, en tout cas, il était assassiné par un membre de l'Aube Dorée qui avait passé un coup de fil au sous-parti, au chef, enfin un des sous-chefs du parti, pour lui demander. Il y avait une première altercation, puis après il y a eu un coup de fil, puis il est revenu. Ils sont revenus une dizaine, ils l'ont poignardé à mort. Voilà. Okay. Donc il y a fortement les soupçons que c'est vraiment un assassinat commandité. Peut-être pas rentrer dans ces détails-là. Il y a le NPD, donc c'est le nationaliste Deutsche Partei ou quelque chose comme ça, ou démocratique quelque part. Le NPD, en fait, c'est tout simplement c'est un parti qui est assez vieux, qui est né dans les années 70. C'est une reformation, c'est une fusion, une alliance entre plusieurs groupes, dont des groupes qui, en fait, sont tout simplement ce qui restait du parti d'Hitler. Enfin, tous les nazis ne sont pas morts en 1945, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Certains qui étaient encore là. Et il y en a une partie qui ont formé un truc qui s'appelait l'Alliance Socialiste pour le Reich, ou un truc comme ça. Et en gros, le NPD, c'est la fusion de ces plusieurs groupes. Et c'est un groupe qui a eu quelques succès dans les années 70, dans certains Länder. Puis, aux dernières élections européennes, ils ont eu un petit coup de succès et ils ont réussi à élire un eurodéputé qui s'appelle Hugo Vogt. Voilà. Bon, pour l'instant, il semble un petit peu plus supplanté par l'AFD, qui est un autre parti d'extrême droite, mais lui est plus type populiste. Mais ça, on pourra peut-être y revenir un petit peu, les nuances entre populisme et fascisme, que moi j'essaie de comprendre parce que c'est toujours intéressant. Alors, voilà ce que j'ai dit. Donc, l'un des trucs qui, je pense, qui guide l'ensemble de ces partis, c'est deux éléments. C'est d'un point de vue sociétal, c'est des partis très radicaux qui, la plupart, si on regarde dans la dizaine d'années, ou 15 ans pour certains, il y a 15 ans, c'est des gens qui, globalement, faisaient référence très explicitement au Troisième Reich. Par exemple, l'Aube Dorée, c'est un groupe qui était dans les années 80, mais dans les années 90, leur magazine était sous-titré Aube Dorée mensuel ou pour national-socialiste, dans laquelle on fêtait Adolf Hitler, que le 3e, je sais plus, le 3e édito, ou le 15e édito, ça a été, c'était Adolf Hitler pour 1000 ans, etc. Donc, il y a aucun secret, c'est très facile à trouver, c'est des gens qui feront clairement, explicitement l'apologie du Troisième Reich, pour qui c'est vraiment un modèle de société intéressant qu'il faut appliquer, etc. Bon, après, pour avoir plus de succès, ils s'appellent simplement nationalistes, mais en fait, il suffit de gratter. Par exemple, je donne un exemple con, comme le groupe Nation, qui est le groupe ici, que, un groupuscule entre 50 et 100 membres, plus ou moins, dont le chef, c'est Hervé Van Lathem. Le groupe précédent de Hervé Van Lathem, c'était l'Assaut. L'Assaut, c'était le nom du mensuel sur le front de l'Est de la Légion Wallonie, la section Wallonne SS, avec son mensuel, c'était l'Assaut. Et c'était clair, très clair, c'était l'Assaut avec deux runes d'Odal. La rune d'Odal, c'est aussi un truc dans l'imagerie vraiment néo-nazi, c'est quelque chose qui est présent. Donc, qui faisait le service d'ordre, par exemple, quand Forisson venait en Belgique dans les années 90, c'était eux qui étaient chargés de sa protection. Forisson, c'est un historien français dans les années 90 qui a remis en cause tout simplement le nombre de négationnistes qui nient le fait que les Juifs ont été exterminés dans les chambres à gaz. Donc voilà, je pense que à partir du moment où ça pose ça, et par exemple, quand je dis que maintenant, Nation se dira non, nous ne sommes pas nationalistes, nous sommes national-socialistes, nous sommes nationalistes, solidaristes et identitaires. N'empêche, en vrai, quand tu vas sur leur site web, dans leur boutique, par exemple, tu trouves un drapeau à croix celtique, parce que c'est le fond rouge, blanc, et la croix celtique est en noir. C'est quasiment... c'est le drapeau nazi, mais avec lequel vous remplacez la croix gammée par la croix celtique. La croix celtique, c'est aussi un autre symbole dans les 60, à partir des années 50, qui est aussi un symbole de ralliement de l'extrême droite fasciste. Plus drôle, je trouve, t'as des ceinturons avec cette fameuse rune d'Odal dont je parlais précédemment, et t'as même ils vendent aussi des briquets, et sur les briquets, ils appellent ça briquet aigle, mais en réalité, le briquet aigle, quand on regarde, quand on s'y connaît un petit peu en histoire, en fait, c'est le symbole de la Légion SS française, la division Charlemagne. C'est des gens-là qui disent qu'ils n'ont plus aucun lien, qu'ils ont fait tous les trucs, en fait, tu vas dans leur boutique, évidemment, c'est jamais explicite, c'est toujours des espèces de petits codes, des trucs comme ça, Donc, je dirais que globalement, par exemple, là, ils viennent aussi, pour exemplifier, ils ont intégré un groupe actuellement à leur dernier congrès. C'est un groupe slovaque, me semble-t-il. Slovène ou slovaque, je crois que c'est plutôt slovaque. Grosso modo, ce groupe-là, il y a encore 5-6 ans, les mecs, ils s'habillaient, ils avaient une espèce de milice qui s'habillait comme les collabos qui amenaient les Juifs dans les camps du régime fantoche qui avait été mis en place par les nazis dans ce pays-là. Qui faisait clairement, leur chef faisait clairement l'apologie du Troisième Reich, etc. C'est pas ce que je dis. C'est pas des gens extrêmement subtils dans leur renouvellement idéologique. Voilà, je pense que ça, c'est déjà un gros trait qu'on peut catégoriser sur cette alliance. Donc, c'est plutôt une alliance radicale, plutôt des groupes national-socialistes. Voilà. Je pense un autre élément de cohésion, c'est aussi c'est des groupes pro-russes, en fait. Ils sont vraiment, voilà, c'est quasiment la moitié de leur travail politique, c'est en gros défendre la Russie de Poutine. C'est de dire à quel point Poutine est merveilleux, à quel point les interventions en Syrie vont aider la situation, à quel point... Voilà. Et ça, je pense que c'est un point intéressant, parce que, par exemple, le soutien à la Russie, c'est une grosse ligne de fracture à l'extrême droite. Globalement, on peut guider cette espèce de... Voilà. Il y a deux grands camps dans l'extrême droite. T'as plein de chapelles différentes, mais en gros, t'as un camp qui dit... quel camp classique, on dirait, qui est un camp une Europe chrétienne, catholique, etc., qui sont dans une alliance qui reste très guerre froide, c'est-à-dire nos alliés, c'est peut-être les États-Unis, pas toujours, parce que bon, les États-Unis, c'est quand même les grands méchants. Certains groupes vont défendre Israël, que c'est, par exemple, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient, que c'est la défense de l'Occident face à tous ces Arabes qui veulent nous exterminer, et qui, en gros, gardent, par exemple, une identité très russophobe. Voilà. Ça, par exemple, ces groupes-là, c'est quelques groupes généralement traditionnalistes catholiques, plutôt de cette tendance-là. Et c'est surtout très présent, par exemple, en Europe de l'Est. Mais ça se comprend dans l'histoire de l'Europe de l'Est, c'est parce que, en gros, le grand méchant là-bas, c'est l'URSS, c'est les 50 ans d'occupation soviétique, etc. Donc il y a une identité nationaliste qui se construit très fort en porte-à-faux. Par exemple, quand eux, ils font référence au néo-nazisme, c'est vraiment, voire même dans Hitler, que c'était quelqu'un qui essayait de les libérer des Russes, etc. Dans l'autre versant, qui est un truc qui est plutôt majoritaire en Europe de l'Ouest, c'est justement cette alliance dans laquelle on dit, voilà, ben en fait, la Russie, voilà, ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut construire un bloc. De l'Europe, c'est quoi leur truc? C'est de, je ne sais plus quel port en France, à Vladivostok. En fait, c'est dire que le continuum européen, en fait, la véritable alliance catholique qu'il faut former, c'est, globalement, c'est l'Europe de l'Ouest, à la Russie, etc. Donc clairement, l'APF, c'est une alliance qui structure notamment sur ce soutien-là. Alors, le truc qui choque un petit peu, c'est comment un parti, des gens comme ça, qui en fait, quand on gratte un petit peu, sont clairement des néo-nazis ou des nazis, ça dépend comment on préfère, comment ces gens-là, en fait, peuvent recevoir 600 000 euros de la part du Parlement européen. Mais en fait, c'est très simple. Ils ont quelques députés européens, donc à l'Aube Dorée, le NPD. Si je ne m'abuse, c'est les seuls qui ont peut-être bien un député anglais, mais même ça, je ne suis pas sûr. Ils forment ce qu'on a... En fait, on peut former des... Il y a plusieurs niveaux, en gros, qui permettent de se faire reconnaître par le Parlement européen. Il y a l'Alliance... Et en gros, il y a ce qu'on appelle un groupe de travail, ou je ne sais plus, c'est quand vous avez une vingtaine de députés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Marine Le Pen, là, aux dernières élections, elle s'est formée un groupe de travail avec plusieurs groupes. En gros, c'est vous avez une vingtaine ou une trentaine de députés, et là, vous formez un groupe au Parlement européen. Là, ça vous donne droit à des subventions et tout, des trucs comme ça. Bon, là, évidemment, ils sont 3-4 eurodéputés, donc c'est vraiment pas suffisant pour faire ce truc-là. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est un truc plus technique, ils font un parti européen. En gros, il faut avoir quelques députés. Et à l'époque, c'était très simple, c'est en gros, tu disais... Je suis d'accord avec les chartes fondamentales de l'Union européenne. À ce moment-là, vous étiez reconnu. Et vous aviez, ça vous donnait accès à 400 000 euros. Je pense que ça, c'est, je ne suis pas expert dans les règles, mais en gros, globalement, je pense que c'est selon le nombre de députés que tu as, selon ce que tu es censé être représentatif. Et en plus de ces 400 000 euros-là, en fait, en gros, vous avez le droit de faire un think tank, donc en gros, un groupe intellectuel. Et eux, ils ont fait un truc qui s'appelle... Terra Nostra, donc ils sont juste remplis des papiers, Terra Nostra leur donne droit à 200 000 euros supplémentaires, en fait. Voilà. Donc là, actuellement, grâce à la campagne, je pense, grâce à des gens aussi à l'intérieur de la Commission européenne, à l'intérieur de la Commission européenne, on commence à dire, ouais, mais en fait, ces gens-là, ils ont signé un papier comme quoi ils respectaient les valeurs de l'Union européenne. D'après, ils organisent des meetings dans lesquels, en fait, ils vont... contre les valeurs, entre guillemets, de l'Union européenne. Pas forcément les miennes, mais bref, quand même, ils se sont dit, ouais, mais en fait, ils ont menti, etc. Donc là, il y a quand même un truc qui peut se passer dans lequel il y a peut-être, ils vont peut-être se voir couper une partie de leur subvention. C'est une très bonne chose. Voilà, donc je vais voir un petit peu où est-ce que j'en étais. Je pense que pour l'APF, c'est un petit peu, comme ça, on voit un petit peu qui on a face à nous. Je sais pas s'il y a des questions, déjà, là. C'est quoi ? C'est qui a parlé, là ? Ouais. C'est chaque année, les subventions ? Oui, tout à fait. Donc là, la question, c'est est-ce que ça va être renouvelé ? Donc, ils les ont eu en janvier. Donc là, la grande question... moi, j'avais vu un article passé dans la presse néerlandophone qui disait qu'il y avait trois groupes, notamment, qui allaient être visés par des baisses de subventions. C'est l'UKIP, C'est le parti de Nigel Farage en Grande-Bretagne. Un autre groupe pro-vie, des anti-avortements. Et l'Alliance pour la paix et la liberté qui allait être touchée par cette baisse de subvention. Donc là, je suppose que d'ici quelques mois, on va savoir de combien leurs subventions ont baissé. Voilà. En espérant que ça permette de paralyser un petit peu leurs activités. Voilà. Il est ouvert depuis quand, en fait, exactement ? Il était ouvert en avril 2016, donc ça fait moins d'un an. Donc il est situé au 22 Square de Meus, donc c'est juste en face du parti, c'est à 200 mètres du parti du Parlement européen. Voilà, c'est l'une des zones les plus chères de Bruxelles aussi. C'est vraiment, quand on lit les textes de ce groupe, enfin cette alliance-là, et clairement dans leur stratégie, c'est un élément central. Je vais l'expliquer, c'est un élément central de manière différente selon les groupes en fait. C'est un élément central, je pense que déjà, le problème en fait de ces partis, par exemple l'Aube Dorée, sa grosse problématique, c'est déjà un parti qui est plus loin dans l'enracinement du fascisme dans la société grecque. Je veux dire, les 7-8%, là, il y a eu 2 ou 3 élections, les 7-8%, ils leur sont acquis. Donc en fait, quelque part, le fascisme, il est déjà enraciné dans cette société. Il y a vraiment une structure et tout qui est présente. Après, ils se sont bien rendus compte que l'une des choses qui a permis à l'Aube Dorée de se développer, ça, on y reviendra un petit peu plus en détail, c'est en fait, contrairement, parce que parfois on a cette image un petit peu complètement trompeuse, parce qu'on a souvent l'image des skinheads néo-nazis qui boivent des bières, qui taquent dans les caves, etc., qui est un petit peu le truc de l'extrême droite caricaturale qu'on nous a présenté dans les années 90 à 2000. En fait, en vrai, les fascistes, généralement, c'est des gens très intelligents, c'est des gens cultivés, contrairement à ce qu'on croit. Et, je n'ai aucune sympathie par rapport à l'idéologie, enfin, je les combats sans rémission. Mais après, il ne faut pas non plus, je pense que c'est très mauvais de dire que c'est une bande de dégénérés, débiles, etc. Je pense qu'on manquerait la moitié de l'analyse. Et par exemple, en Grèce, donc comme vous le savez, il y a une dictature en Grèce dans les années 50 et 70 qu'on a appelée la dictature des colonels. Dans cette dictature, en gros, il y a une transition démocratique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, la plupart du personnel politique, en fait, il a fait ses classes, à droite, je parle, dans le Parti conservateur, qui est en gros le parti majoritaire pendant très, très longtemps, Nouvelle Démocratie, c'est comme ça s'appelle, un grand nom, pour des gens qui ont fait leur classe dans le parti unique, en fait, de la dictature des colonels. Et en fait, en réalité, dans la dictature des colonels, le chef de l'Aube Dorée, en fait, il était aussi dans ce parti-là. Et en fait, ce n'est pas des gens isolés, etc., de la société. Par exemple, le chef de l'Aube Dorée, il est marié avec une bourgeoise qui possède plusieurs des casinos et plusieurs hôtels dans le centre d'Athènes, par exemple, à tout hasard. Ce n'est pas quelqu'un d'atomisé dans la société, il a vraiment des contacts. Et par exemple, l'Aube Dorée avait plein de contacts dans le personnel politique, dans la police, etc. Et par exemple, c'était bien connu, j'ai discuté avec des anarchistes à Athènes qui expliquaient à Athènes, en gros, l'Aube Dorée attaquait des squads, des réfugiés, etc. Quand la réponse s'organisait, miraculeusement, tu avais la police qui apparaissait. Enfin voilà, il y avait vraiment, il y a eu des preuves comme quoi il y avait parfois dans des raids, l'Aube Dorée avait en gros un talkie de la police pour être en contact avec la police pour s'assurer que les choses se passent bien dans l'intervention. Enfin, il y a plusieurs manifs parce que il y a des militants d'Aube Dorée, alors ils ne se présentent jamais comme militants d'Aube Dorée, mais comme citoyens en colère, étaient aux côtés de la police pour affronter des manifestants qui protestaient contre l'austérité ou je sais quoi. Donc ce qu'on voit, c'est que ces groupes-là, en fait, ils ont vraiment des clairs liens avec le pouvoir. Et par exemple, ce qui manque à l'Aube Dorée, ce qu'on a vu, c'est que, voilà, ils avaient un petit peu, au niveau grec, ils avaient leurs entrées, etc. Mais sauf qu'en fait, c'est l'Europe qui a fait pression sur la Grèce en disant, ouais, mais c'est quoi, surtout quand il y a eu cette histoire de l'assassinat de Pavlos Fissas, ils ont fait, ouais, mais c'est quoi ce truc-là? Vous avez, surtout qu'il y a eu des preuves qui commencent à sortir, comme quoi il y avait une partie du personnel de police qui était en lien avec l'Aube Dorée, mais directement sympathisant aux membres, etc. Et à ce moment-là, il y a l'Europe qui a fait « Ouais, mais c'est quoi ? Enfin, vous êtes censé quand même être une démocratie, blablabla. » Et à ce moment-là, ils ont fait « Ah, ok, bon, ils ont fait le ménage. » Enfin, un ménage de surpasse. Ils ont fait sauter 2-3 têtes visibles, etc. Mais voilà. Et je pense que des groupes comme l'Aube Dorée, ils savent très bien que leur problème, c'est que peut-être qu'ils ont leurs entrées dans leur pays, etc. Mais ils savent que maintenant, enfin, l'État, je ne sais pas sans savoir que l'État, c'est une structure complexe, et maintenant, il y a une grosse partie des institutions étatiques qui sont aux mains de l'Europe. Et en gros, si vous voulez prendre vraiment le pouvoir dans un pays, c'est obligé d'avoir des liens dans l'Europe. Et par exemple, un local comme celui de l'APF, en fait, ça permet à quoi ? Un groupe comme l'Aube Dorée, ça va permettre de commencer à tisser des liens au niveau international, d'être un parti respectable d'aller voir, de faire son travail de lobby, d'aller voir les grandes entreprises, etc. Et en fait, quelque part, vraiment, ce qu'ils recherchent, c'est un petit peu la stratégie, par exemple, d'un groupe comme le Front National, etc., c'est de se normaliser, en fait, d'être un acteur politique comme un autre. Voilà. Et par exemple, ça, c'est vraiment le but de ce parti, c'est pour ça. Enfin, si vous allez là-bas, enfin, c'est vraiment un parti, enfin, vous voyez un petit peu à quoi ressemble le bureau, c'est vraiment un truc de lobby, quoi. Ça pourrait être un lobby alimentaire ou syndical ou quelconque, en fait. C'est vraiment, le but, c'est une respectabilité. Ça, je dirais que c'est pour les partis les plus avancés, qui sont déjà un enracinement populaire au sein de leur pays. Pour les autres groupes, comme Nation, par exemple, c'est typiquement, ou les d'autres groupes comme Forza Nuova, c'est les Italiens, ou Démocratie Nationale, ou d'autres groupes, petits groupes. En fait, à l'inverse, c'est pas encore des groupes qui ont gagné la bataille de l'enracinement. Ils sont souvent en concurrence avec d'autres groupes, etc. Et en fait, eux, ce que ça leur permet d'être dans cette alliance, d'avoir ce local, etc., c'est simplement de se développer, d'être respectable au niveau du niveau national, nationaliste, en fait, si vous voulez. Si vous voulez, l'Aube Dorée, c'est un petit peu le fantasme de tous les militants d'extrême droite radicaux dans toute l'Europe. C'est vraiment, waouh, c'est trop bien. Et en gros, le fait d'être dans cette alliance, ça permet à ces groupes-là qui sont dans cette alliance de dire, ah, regardez, c'est nous qui pesons lourd dans le game actuellement du parti nationaliste, etc. Et par exemple, Nation, eux, ça leur permet aussi, parallèlement à ça, déjà de te dire la seule opposition, blablabla, les seuls à faire des trucs concrets, mais ça leur permet aussi de tenir un local. Et par exemple, Nation, ils ont hyper du mal d'avoir un local depuis des années, parce que chaque fois qu'ils ont un local, bah, les gens leur mettent la misère. Et du coup, voilà, en fait, les propriétaires ne veulent plus le louer de local. Et un local, c'est hyper important pour un parti, bah, de passer pour respectable, de structurer, d'organiser des fêtes, d'organiser des discussions, etc. Et c'est ça qui permet vraiment de s'implanter dans une ville. Enfin, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est pas plus différent que quand les anarchistes veulent s'implanter quelque part, bah, ils ouvrent un squat ou ils ouvrent un local, et après ils rencontrent dans le quartier, ils structurent, ils font des rencontres, etc. Bah, faut pas croire que un parti d'extrême droite, c'est forcément très, très différent. C'est exactement la même chose. Ils veulent aller là-bas, s'insérer, Vitry Publique. Voilà, ça leur permet de se créer une espèce de base, et puis de la base, ils essaient de contrôler un territoire, tout simplement. Voilà, j'étais plus long que je le pensais, donc je vais peut-être raccourcir la partie sur plus théorique sur le fascisme. Donc pour moi, pour faire entre guillemets, c'est quoi le but du fascisme? C'est quoi le fascisme? Mais en fait, c'est un mouvement de révolte, paradoxalement. Qui naît, après ça c'est les analyses historiques, après on pourra revenir, peut-être que c'est différent aujourd'hui, de la petite bourgeoisie qui, avec la crise économique, se retrouve déclassée, qui n'a pas envie de... Enfin, c'est vraiment dans les années 30, hein, qui n'a pas envie de devenir ouvrier. Par exemple, si on regarde le parti d'Hitler, parfois dans les images modernes, on a l'impression que le parti d'Hitler, ben, en fait c'était des ouvriers qui étaient dedans, mais ça c'est n'importe quoi. Il y avait... à peine 10% d'ouvriers dans le parti d'Hitler. En fait, 90%, c'était quoi? C'était des fonctionnaires, des commerçants, etc. Par exemple, pour dire un élément hyper parlant, c'est, je ne sais pas si vous savez, mais Hitler, il est en prison un an avant de prendre le pouvoir, parce que dans les années 20, il a fait ce qu'on appelle le putsch de la brasserie, c'est-à-dire a essayé de prendre militairement le pouvoir en Allemagne. Et il a foiré, etc. Il y a ils ont essayé de prendre le pouvoir à Munich, et... en gros, l'armée n'a pas fait défection, voilà, ils ont été vendus et ils ont fait tirer dessus. En gros, il y a une trentaine de morts du côté des nazis. Et quand vous regardez les gens qui sont morts dans les nazis, c'est parce que c'est un petit peu des trucs que vous regardez un petit peu leur site. Et si vous regardez les professions, bah, c'est commerçants, fonctionnaires, etc. C'est vraiment typiquement cette espèce de base petite bourgeoise. Donc pourquoi je dis que c'est une révolte? En gros, c'est des gens qui veulent se révolter et qui veulent réinstaurer un ordre national, déjà restaurer ce qu'ils pensent que leur nation, par exemple dans le cas de l'Allemagne, c'est assez parlant avec le pacte de Versailles, je ne sais pas si vous voyez, le traité de Versailles, c'est le truc qui a fait que, après la Première Guerre mondiale, quand il a signé, l'Allemagne a plus le droit d'avoir une armée, plus de 100 000 hommes, a dû payer des intérêts, qu'en gros, le déclenchement de la Première Guerre mondiale incombait uniquement à l'Allemagne, etc., donc a découlé une série de trucs. Et donc, du coup, Hitler, par exemple, son but, c'était de restaurer l'ordre. Enfin, tu vois, la nation allemande n'était plus dans son ordre naturel. Là, il était dans le banc des nations, alors qu'il est évident que l'Allemagne était faite pour rayonner, pour voilà, imposer dans le concert des nations. Mais c'est aussi un ordre, par exemple, c'est un ordre à l'intérieur. C'est par exemple, dans le cadre du national-socialisme, c'est en partie une révolution préventive, en gros. C'est-à-dire, c'est la peur aussi d'avoir une révolution communiste ou socialiste, ou d'avoir vraiment une révolution à l'intérieur du pays. Et ce qu'on veut, c'est restaurer un ordre. On a marre de ces grèves, du parti communiste, etc. C'est restaurer l'ordre ancien, mais c'est aussi restaurer simplement l'ordre à l'intérieur de la famille. Par exemple, en Allemagne, c'est l'un des pays où la femme avait le plus de droits dans les années 30, etc. Par exemple, il y avait énormément d'Allemandes qui travaillaient, etc., ce qui était exceptionnel pour l'époque. Bah, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, bah, la femme allait retourner au foyer faire des gosses, parce que bon, la guerre, ça demande des gosses. Donc voilà. Mais donc, c'est restaurer cet ordre naturel. C'est par exemple restaurer, par exemple, dans la vision nationale-socialiste, le juif est inférieur à l'arien. Eh ben, il faut restaurer cet ordre naturel que l'arien doit être au-dessus du juif. Voilà. Mais disons que ça, disons que les gens peuvent changer dans la pièce, les acteurs peuvent changer, mais globalement, les rôles sont les mêmes. C'est-à-dire, l'objectif principal, c'est restaurer cet ordre. C'est aussi restaurer un ordre étatique. Donc, il y a un truc hyper parlant dans le fascisme, c'est que le fascisme naît aussi avec une forme d'effondrement de l'État. C'est-à-dire, il y a un attachement à refonder un État qui est fantasmé de comment il devrait être, un véritable État qui serait au service du peuple, etc. Ça, c'est vraiment parlant dans toutes les idéologies fascistes, c'est le rôle de l'État comme structure qui doit apporter la paix dans la nation, etc. Que l'individu n'existe pas en dehors de l'État, etc. Par exemple, ça, c'est Mussolini qui le dit. Et il peut... Alors, je pourrais mettre en désordre, on pourra en reparler plus tard. En gros, ce qui lui permet d'arriver au pouvoir, c'est une triple crise, donc triple crise économique, donc je vous le dis, déstructuration du tissu économique, des gens qui veulent se révolter contre le système. Sauf que la révolte qui va être portée, c'est pas une révolte qui... En gros, c'est une révolte qui... C'est une critique anticapitaliste, en fait, le fascisme fait du point de vue de la petite bourgeoisie. C'est-à-dire que, par exemple, comme l'a dit Dylan, ce qu'on va critiquer, c'est pas le capitalisme. C'est pas, par exemple, le fait que les moyens de production soient... entre les mains de la bourgeoisie, ou qu'il y ait des ouvriers, et que des gens aient rien, et des gens et tout. Ce qu'ils critiquent, c'est en fait, ce qu'ils veulent restaurer, c'est un capitalisme national. Donc ce qu'ils vont critiquer, par exemple, c'est la finance. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est les multinationales. Ils n'ont rien en soi contre l'entreprise en tant que telle. Par exemple, le chef de l'APF, par exemple, c'est Roberto Fiore. Roberto Fiore, donc, c'est un milliardaire italien qui a fait fortune dans les hôtels à Londres. En fait, globalement. Donc, ça voit que c'est pas forcément des gens qui ont quelque chose contre les riches ou les milliardaires. Ils ont quelque chose contre les riches et les milliardaires quand ils sont étrangers ou juifs. Là, ça commence à plus poser de problèmes. Donc, c'est une critique tronquée, entre guillemets, du capitalisme. Voilà, c'est une révolte face à ce truc-là. C'est une... Et c'est aussi une crise politique. Dans le sens où le fascisme, c'est un petit peu la dernière solution... C'est le dernier rempart du système quand il est sur le point de s'effondrer. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir une illusion de croire aussi que la plupart des classes dominantes, par exemple les élites économiques, elles méprisent les fascistes. Même pas quand ce n'est pas des skinheads qui boivent de la bière, hein, mais quand c'est même des gens qui ont un petit peu de culture, etc. Mais ce n'est pas des gens qui viennent exactement du même milieu. Et ces gens-là, on les considère un petit peu comme... c'est des gens utiles. Mais on leur cède le pouvoir qu'en dernier recours, que quand on a l'impression que c'est ça ou la révolution. Après, souvent, cette révolution, elle est fantasmée. Ce qu'on peut voir, ni dans les 20 en Allemagne, ni en Italie, en fait, les communistes ou les socialistes ou les anarchistes étaient prêts de faire la révolution, en fait. C'était un fantasme. C'est juste qu'ils ne comprenaient plus comment leur système économique marchait. C'est l'effondrement total, etc. Et ils avaient l'impression que c'était la seule solution, c'était la panique. Et en gros, il y a cette image de... En gros, c'est des espèces de brutes. On ne veut pas les laisser rentrer dans la maison. Mais bon, si la maison doit cramer ou les faire rentrer, on préfère quand même les faire rentrer. Et il y a toujours... C'est ça. Il y a vraiment, et par exemple, il y a une claire ambivalence. Il y a toujours même quand les fascistes arrivent au pouvoir, il y a toujours des contradictions entre eux et la vieille classe dominante. C'est une guérilla permanente entre eux, etc. J'aime bien toujours citer l'exemple qui est pour moi le plus parlant. À la fin de la guerre, si vous voulez, la nuit, donc c'était au moment où les Alliés avaient pris le contrôle, en gros, gagnaient la guerre aérienne. Donc en fait, les Alliés, la journée, bombardaient toutes les infrastructures économiques, les trains, etc. En Allemagne, enfin sur les fronts, etc. Et en gros, Hitler avait le choix, enfin le commandement, le Reich avait deux choix. La nuit, donc les trains roulaient la nuit parce que la journée, les trains se faisaient attaquer par l'aviation. Il y avait, et en gros, ils avaient le choix. Soit ils faisaient rouler les trains pour l'économie, pour l'effort de guerre, etc. Soit ils faisaient rouler les trains pour emmener les Juifs dans les camps de concentration, les camps d'extermination. Ben, Hitler, systématiquement, a toujours préféré faire rouler les trains d'extermination plutôt que les trains de munitions qui auraient permis que l'Allemagne, en fait, puisse prolonger la guerre d'un an ou deux, peut-être faire des négociations, etc. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le film avec Tom Cruise, l'opération Valkyrie, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est un petit peu, c'est le fameux complot contre Hitler, le plus connu, dans lequel il y a une bombe qui saute dans son quartier général et dans lequel il a failli mourir, etc. Ben, par exemple, ce complot-là, ben c'est qui le mène? En fait, c'est les militaires allemands aidés par une partie de l'appareil industriel allemand qui supporte plus que Hitler mette en avant plutôt ses objectifs idéologiques et politiques plutôt que l'intérêt économique des classes capitalistes allemandes. Voilà. Mais c'est qui prouve que même quand... qu'il n'y a pas non plus une identité parfaite entre les classes dominantes et le personnel politique nazi. Voilà. C'est toujours un petit exemple marrant que j'aime bien. Mais donc là, j'aborde vraiment la question de comment, grosso modo, on peut dessiner les lignes, comment le fascisme arrive au pouvoir, en fait. Mais je pense qu'actuellement, c'est là où je vais attirer peut-être la partie devient la plus intéressante, c'est en Europe du Nord, en tout cas, c'est pas des groupes comme Nation ou l'Aube Dorée qui vont prendre le pouvoir. Pourquoi ? Ben parce que la crise économique, elle existe en Belgique, mais c'est rien du tout comparé à la Grèce. C'est pas... une baisse des salaires de 40%, le chômage qui explose, la suppression des soins de santé pour une majorité des Grecs. C'est pas la déliquescence complète du système. Où là, clairement, le fascisme devient une option, entre guillemets, viable pour envisageable pour les classes dominantes. Chez nous, c'est évident que, il peut y avoir des accointances, etc., avec certains groupes pour certaines franges, mais je pense que, ici, chez nous, ce qui est beaucoup plus dangereux, entre guillemets, c'est d'une part ce nouveau parti populiste, donc type NVA Vlaams-Belang, parce que le Vlaams-Belang était un parti historique fasciste, mais qui a muté dans les années 90, etc., qui est un petit peu le Front National. Après, on peut discuter de ça. Front National en France, c'est... Il n'y a plus toutes ces données de volonté de construire, reconstruire l'État, reconstruire un État parallèle, etc. Il y a toute une partie du programme idéologique du Front National qui a été abandonnée pour un truc plus consensuel de droite. Dur, entre guillemets. C'est un programme horrible, mais c'est pas le programme fasciste, etc. Et du coup, on peut se demander pourquoi combattre, s'ils sont pas le danger imminent, pourquoi les combattre? C'est parce que je pense que, en fait, malgré le fait qu'ils sont pas les groupes qui sont sur le point d'arriver sur le pouvoir, et l'extrême droite donc peut servir de gestion alternative du capitalisme, ou il peut servir d'avant-garde aussi. Et d'avant-garde, c'est quoi? C'est, en gros, il va défricher le terrain sur certains sujets, et qui va être repris par certains groupes de droite institutionnels. Et je pense que l'exemple le plus parlant là-dessus, c'est le bloc identitaire en France. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu c'est quoi le bloc identitaire. Le bloc identitaire, c'est une petite formation à droite qui fait 3 000-4 000 membres à droite du FN. C'est eux qui ont lancé il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, les apéros saucisson pinard, en gros, qui ont fait l'invasion des Cucalal. Habillé en cochon, genre de truc. C'est un groupe qui... Son but, c'est pas de prendre le pouvoir. Très clairement, vous le lisez. Leur but, c'est de gagner la guerre culturelle. Et ça passe par... Par exemple, il y a plein de sujets que c'est eux. Par exemple, ils parlent de... C'est eux qui ont lancé des sujets comme... Parler de l'islamisation du pays, de la France. Ben, c'est eux qui ont lancé en premier l'idée du sujet et au début, et qui maintenant, par l'islamisation de la France, ben, y a des gens dans Les Républicains qui vous tiennent des discours clairement. Et en fait, ils commencent par provoquer ces sujets de société, etc. On les tire, mais en même temps, ils amènent ça dans le débat public, ils rendent la chose acceptable, etc., qui permettent d'être récupérés par des politiciens qui sont plus institutionnels. Par exemple, là, leur gros combat actuellement, c'est la réémigration. En gros, c'est dire qu'il faut faire repartir une partie des immigrés. Et par exemple, la réémigration, je vous assure que là, ça passe pas encore. C'est pas encore totalement, mais d'ici quelques années, je pense que vous verrez que des gens dans les partis de droite traditionnels, ils parleront de réémigration, etc.